Monsieur le ministre, c'est une question de seconde. Non, il y a l'aspect criminel de l'affaire, mais il y a aussi son aspect politique. Après les déclarations que Beaumont a fait à la presse... Mais bordel de merde, qu'est-ce que je fais ? Il faut le stopper. C'est un ordre. Je vous donne l'ordre de le stopper. Il faut le stopper, Farge.